François Morel, c'est à vous. Bonjour. Monsieur le maire de Montalieu-Vercieux, 1, se rebiffe. Sa commune, Montalieu-Vercieux, 2, a reçu en 2021 un des 4 prix de la France moche attribués par l'association Paysages de France. Le prix nuirait, selon lui, à l'image de la commune de Montalieu-Vercieux 3. On considère qu'il y a un préjudice important d'image et de notoriété, explique le maire de Montalieu-Vercieux 4, monsieur Christian Giroux, qui politiquement est classé soit UDI, soit sans étiquette, mais quoi qu'il en soit, n'est pas sans panneaux publicitaires, puisque l'affaire est née de la multiplicité des panneaux publicitaires sur sa commune de Montalieu-Vercieux 5. Il réclame même à Paysage de France, ni plus ni moins, 3,5 millions d'euros de dommages et intérêts sous prétexte que l'association a montré une photo avec des publicités. Monsieur le maire affiche un beau culot. Monsieur le maire de Montalieu-Vercieux, 6, vous dites que le prix de la France moche porte préjudice à la notoriété de votre commune. C'est faux. Personnellement, avant, je n'en avais jamais entendu parler de Montalieu-Vercieux 7. La notoriété de Montalieu-Vercieux 8 sortira donc infiniment grandie de cette affaire, puisque rien que dans cette chronique diffusée sur la radio la plus écoutée de France à une heure de grande écoute, le nom de Montalieu-Vercieux 9 sera prononcé un nombre de fois sans doute supérieur au nombre jamais prononcé sur l'antenne de France Inter depuis sa création en 1947, ce qui permettra de graver dans le cerveau de chaque auditeur le nom désormais fameux de Montalieu-Vercieux 10. Vous devriez au contraire remercier monsieur le maire de Montalieu-Vercieux 11, la vaillante association Paysages de France, qui de façon extraordinaire participe à la promotion de votre commune Montalieu-Vercieux 12. Car enfin, monsieur le maire de Montalieu-Vercieux 13, en vous faisant accéder au prix de la France moche, le jury n'a jamais voulu dire que Montalieu-Vercieux 14 était une commune moche. Bien au contraire, le jury a voulu vous aider à faire en sorte que Montalieu-Vercieux 15 soit préservé, reste la cité charmante, douce, fleurie, accueillante, attrayante, que la multiplication des panneaux publicitaires pourrait mettre en péril et banaliser, et on les dirait défigurer, comme une flambée de verrues purulentes serait capable de corrompre le visage idéal de Laetitia Casta. Montalieu-Vercieux 16 est une commune française située dans le département de l'Isère, mais surtout sur un site géologique remarquable. On vient de France et du monde entier pour admirer la beauté rurale, les richesses préhistoriques et antiques qui font de Montalieu-Vercieux 17 le lieu incontournable de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui fait dire aux vrais connaisseurs non, décidément, on ne connaît pas la région Auvergne-Rhône-Alpes si de sa vie on est passé dans la commune de Montalieu-Vercieux 18. Bientôt, dans quelques semaines, de nouveaux prix de la France moche par Paysages de France seront attribués. Il suffirait de supprimer la plupart de ces panneaux publicitaires pour que Montalieu-Vercieux 19 ne soit plus cité, redevienne enfin le symbole de la belle France. Il suffirait que le ministre de l'écologie, dont la vocation devrait être notamment de faire respecter le code de l'environnement, n'attaque plus absurdement les décisions de justice ordonnant au préfet de faire justement respecter le code de l'environnement, comme l'ont fait piteusement les précédents ministres chargés de l'écologie, François de Rugy, Barbara Pompili et Elisabeth Borne. Bon, allez, quand même, vive la République, vive la France et ses paysages, et vive Montalieu-Vercieux 20, vive Montalieu-Vercieux 21. Merci à vous, François Morel. France Inter.